الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، donc inshallah nous prenons notre troisième ders. Avant de commencer, je tiens à mettre en attention une chose qui concerne le naqid qui est le shirk. Et je me suis rendu compte que ma traduction de la définition du shirk Shal'an dans la législation, ma langue m'a devancé en disant quoi ? Taswiyatu ghaylillahi billahi fima wa min khasa'isillah. Moi j'avais dit, c'est le fait d'associer Allah autre que Allah. Et en fait c'est pas associé, c'est égalisé avec, c'est le fait d'égaliser autre que Allah avec Allah dans ce qui est propre à Allah seulement. Donc à corriger, c'est égalisé et non pas associé, bien que la différence soit minime. Mais afin d'être minutieux et méticuleux dans les termes employés. Non. Deuxième point, pour les frères, par rapport à ce ders de façon générale, à savoir que Masa'il et Takfir, le fait de rendre mécréant, ou Tabdir, le fait de rendre innovateur, ou Tafsir, le fait de rendre pervers, vous voyez, ces trois points-là sont basés sur les mêmes règles, approximativement, les mêmes règles. Cependant, le takfir, c'est-à-dire sortir un musulman de l'islam, un musulman mu'ayyan, une personne désignée, cela est une chose qui revient au el el ilm, aux gens de science. El tabdi akazalik, le tabdi, le fait de rendre innovateur une personne qui était connue pour être sur la sunna ou sur la salafia, c'est une chose qui revient au el el ilm. Ou el tafsik, pareil. Et quand on dit el el ilm, on veut dire par là les savants. Et également, kibar tulabel ilm mutamakkinin, les grands étudiants en science expérimentés. Eux aussi sont aptes à faire cela, inshallah ou ta'ala. Taïeb. Et quand on parle de cela, par exemple, dans le takfir, il est clair que si demain un chrétien vient, ou un juif vient, ou autre que cela, on dit celui-là c'est un kafir. Un frère vient te dit, takillah, comment tu le rends kafir, t'es pas un savant. On dit, yahri, celui-là, il rentre pas dans le jugement dont nous avons parlé. Pourquoi lui c'est un kafir asli, c'est un mécréant d'origine. Ce n'est pas un musulman qui est sorti de l'islam. Et Allah l'a rendu mécréant dans le Coran, en parlant des chrétiens et des juifs. Donc celui-là, il n'y a pas de problème. C'est un kafir qui est clair. Ou également un kafir, un musulman qui commet un acte de mécréance clair. Par exemple, le fait qu'il mette, par exemple, un coup de pied dans le mousraf, de façon volontaire. Et tu lui parles, tu lui dis yahri, tu le vois faire un péché, tu lui dis yahri, ce que tu fais, c'est pas permis. Mais yajouz. L'an Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'elle est kada wa kada. Allah, il a dit ça dans le Coran. Et tu vois, il prend le mousraf, et il dit, par exemple, moi, Allah, regarde ce que je dis, il met un coup de pied dans le mousraf. Quelqu'un comme ça, c'est sûr que c'est un kafir. Ou également, quelqu'un qui vient de voir, il dit, moi je suis Ikhwani, moi je suis Tabliri, moi je suis Soufi, moi je suis ceci, moi je suis cela. Celui-là, le fait de dire que c'est un Moubtadir, on n'a pas besoin de savoir. Pourquoi ? Parce que lui-même, cet homme-là, lui-même, a reconnu qu'il n'était pas Salafi. Donc lui, pareil, c'est un Moubtadir Asli, c'est-à-dire depuis le début, il ne fait pas partie de la Salafia. On n'en a pas sorti, il n'est jamais rentré. Et pour le tafsir, pareil, si demain tu vois un homme qui fait zina tout le temps, qui boit du khamr, ou qui fait des choses, a'udhu billah, des grands péchés, le fahisha, il se rase la barbe, tout ça, celui-là pareil, tu vois, il fait les choses apparentes, c'est un tafsir. Non pas des personnes qui sont connues pour le contraire à la base, ensuite, il y a eu un changement en eux qui font que ce jugement est appliqué sur eux. Donc c'est un point à mettre en évidence, que ces choses-là reviennent au el el ilm. Ça revient au savant. C'est-à-dire, si vous demain vous voyez un individu ou des choses comme cela, contactez les machayikh. Contactez les gens, al ilm, et demandez-leur. Exposez-leur le cas de certaines personnes et demandez-leur. Et ensuite, prenez leur jugement et ensuite, vous pouvez le propager. Donc, à faire attention à cela. Barakallahu fikum. Donc là, on va rentrer dans al-naqid al-thani. Dans la deuxième annulation. Donc, Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dit al-thani man ja'ala baynahu wa baynallahi wa sa'it yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkal عليهم كفر اجماعا. Donc il dit, celui qui met entre lui et entre Allah un intermédiaire ou fait une jonction, qu'il invoque ou qui demande des choses ou sur qui il s'en remet, à qui il fait confiance, c'est-à-dire il s'en remet de façon totale comme s'il était Allah, celui-là a mécru de façon unanime. Naam. Donc là c'est le ders concerne al-wasa'it. Donc al-wasa'it en arabe c'est le djem de wasita. Et wasita c'est, on traduirait par un moyen ou un intermédiaire ou une jonction. Le fait de mettre entre toi et autre chose un intermédiaire, un arme. Et c'est une chose par laquelle on se sert afin d'arriver à quelque chose. Et al-wasita, tayyib, elle est de deux catégories. Wasita shal'iyya, une wasita qui est légiférée, et wasita kufriya shirkiya, une wasita qui est de mécréance et de shirk. La première, le wasita shal'iyya, c'est le fait, par exemple, de mettre les messagers comme intermédiaires entre nous et Allah. Et cela est une wasita wajiba. C'est une intercession, c'est un intermédiaire qui est obligatoire. Pourquoi? Car les messagers, ce sont eux qui nous ont révélé la religion. C'est sur eux qu'est descendue la révélation. Ce sont eux qui nous montrent comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de prendre leur parole et de revenir à eux pour savoir comment obtenir l'agrément d'Allah, cela est obligatoire. Non. Allah subhanahu wa ta'ala yakul rusulan mubashirin wa munzirin. Des messagers, annonciateurs ou avertisseurs. Et celui qui renie cela, cette wasita, celui-là a mécru, de façon unanime. Comme le font certains soufis par exemple, ils disent que Allah leur parle directement, ya'ouz billah. Ils disent, hadathani kalbi an rabbi, que mon cœur me parle selon Allah. Ils disent également, nous, on est au-dessus de vous. Nous, on n'a pas besoin de la sunnah. La sunnah, c'est pour vous, les petits. Nous, on a, nahnu wasalna ila martabat al-yaqin, on a atteint la yaqin. Vous voyez? Quand il dit ta'ala, wa abudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu deviennes la certitude. Mais dans ce verset, el yaqin, les savants ont dit quoi? C'est la mort. Et eux, ils pensent que c'est quoi la certitude du fait que moi, j'ai la certitude que je suis un muslim, un vrai croyant. Donc moi, alhamdoulilah, j'ai plus besoin d'adorer Allah. Plus besoin de faire salat. Plus besoin de faire le hajj. Ni de jeûner. Et je peux tout faire les muharramat. Moi, je suis au-dessus de vous. Par contre, vous avez besoin de suivre ces choses-là. Donc cette parole-là, c'est du kufr. Bien sûr. Vous voyez? Car le prophète a été envoyé aux hommes de façon générale, à tous les hommes au djinn. Donc celui qui dit ça, il se sort du lot des gens et dit « moi, je suis la part ». Et cela a un lien avec le Naqid de Ta'asir qui viendra, Inch'Allah, qui est la neuvième annulation, qui est, Inch'Allah, qui sera exposée dans le livre, pareillement. Naam. Donc, également, parmi les wasita, el-wajiba, c'est aussi le fait de mettre les ulama, les savants, entre nous et Allah. Mais à une limite, c'est-à-dire les mettre en tant que indicateurs, qui nous font comprendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous font comprendre les ahadith al-nabawiyya, qui nous font comprendre les textes, qui nous font comprendre les paroles des salafs. Allah subhanahu wa ta'ala yakul was'alu al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Et demandez aux gens du savoir, les gens du rappel, si vous ne savez pas. Donc le fait, les ulama, et ce, depuis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, à l'époque c'était les sahaba, ensuite les salafs, et aussi maintenant les savants de notre époque, sont une wasita entre nous, et un moyen, on va dire, entre nous et Allah, mais d'une façon comment? Pas qu'on passe par eux, on ne les invoque pas, on ne prend pas leur parole comme une révélation, ou on ne les rend pas infaillibles. Du fait qu'en fait, on les prend comme indicateurs, et comme qui nous exercissent les paroles, et savoir comment comprendre les textes, afin de ne pas s'égarer. Donc revenir au savant est obligatoire. Revenir au savant est une chose primordiale, à ne pas négliger. Ne pas sortir les choses de nos têtes, les règles de nos têtes. Naam. Voilà ta foule, mais c'est la kabil ilm. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne recherche pas sinon tu n'as pas de science. Mais bien sûr, comme on dit, attention, elle wasita avec une limite, à savoir que ce sont des êtres humains, et ne pas dépasser les limites avec eux. Et ne pas rentrer dans l'ibad par rapport à eux. Naam. Ensuite, elle wasita, la deuxième, qui est, elle shirkiya, elle kufriya. Et là, c'est le fait de mettre un intermédiaire entre le serviteur et Allah, et au point d'en tomber dans quoi? Dans l'adoration. Par exemple, de se rapprocher des tombes, d'invoquer celui qui est dans la tombe, en le disant comme étant un homme saint, en l'invoquant, en lui demandant des choses, afin qu'il nous rapproche d'Allah. Car on dit quoi? On dit, celui-là c'est un saint, il a un grand rang près d'Allah, donc moi je lui demande à lui, afin qu'il demande à Allah pour moi. Donc cette wasita-là, celle-là elle est shirkiya, tayyib, et elle est kufriya. Et c'est celle-là, ça c'est un naqid qui fait sortir de l'islam. C'est un naqid qui fait sortir de l'islam. Et bien sûr, le fait de demander à une personne ce dont elle est incapable, de demander une chose que seul Allah est capable de faire, cela aussi du shirk qui fait sortir de l'islam. Naam. Donc maintenant, Inch'Allah, on prend la parole de Cheikh Al-Fawzan, Hafizallah, il explique en disant Hadha nurun min al-naqid al-awwal, c'est-à-dire la wasita, le fait de prendre un intermédiaire, fait partie, en fait, partiellement, du premier naqid qui est shirk, car cela est du shirk. وَهُوَ الَّذِي يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَصَائِتٍ. Et c'est celui qui met entre lui et Allah un intermédiaire. وَلَكِنْ الشَّيْخ أَفْرَدَهُ وَجَعَلَهُ نَوْعًا مُسْتَقِلًا لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ. Cependant, le shir l'a individualisé, c'est-à-dire le Wa Sittah, l'a mis à part, afin, pour la grande quantité de la, du fait que beaucoup de gens sont tombés dedans. Naam. Et qu'il se produit beaucoup. Liana Hada, yakorum mimman yadda'un l'islam. Car cela se produit des gens qui se prétendent de l'islam. Wada kathirun indal kubuliyin. Et cela est fortement répandu chez les kubuliyin, les adorateurs des tombes. Et taqarrabuna ila al-wali liyashfa'a lahum 'inda Allah. Ils se rapprochent du saint untel, ou du wali, on dirait plutôt l'allié, afin qu'il intercède pour eux auprès d'Allah. Wa yuwassilu hawaijahu ila Allah. Et qu'il fasse parvenir ses besoins auprès d'Allah. Comme une sorte de, un messager. Naam. Bizarmihim. Hadha ittikhaz al-wasa'il min dunillah. Et ça, c'est le fait de prendre un moyen autre que Allah. Yazbahu lahum, wa yanziru lahum, wa yasta'ifa bihim. Donc il égorge pour eux, pour cette wasita, pour ce saint, ou pour ce wali, ou pour cette tombe. Et il fait des vœux pour eux, et il recherche secours auprès d'eux. Et cela fait sortir de l'islam. Wa yaqul, hadha laysa bi shirk. Donc celui qui fait cela dit, cela n'est pas du shirk. Wa hadha innama huwa tawassut. Et cela est juste le fait de prendre un intermédiaire. Taraba wasitatin wa shafa'atin tuwassiluni ila Allah. Je désire juste un intermédiaire et une intercession qui me permette de parvenir auprès d'Allah. Wada rajulun salihun lahu makanatun 'inda Allah. Et cet homme pieux, c'est-à-dire celui qui est invoqué, ou celui pour lequel des adorations sont faites, est un homme pieux qui a un rang auprès d'Allah. Fa ana taqarrabu ilayhi min ajli an yuqarribani ila Allah. Donc moi je me rapproche de cet homme-là afin que lui-même me rapproche d'Allah. Hadhi hujjatuhu, et tel est son argument, c'est-à-dire celui qui fait cela. Il s'agit là de des arguments des premiers mouchriquins. Et ceux qui prennent, entre autres que lui, des alliés, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Donc vous voyez que les arguments sont les mêmes. Ceux d'aujourd'hui, ceux d'avant, ont les mêmes arguments et ont les mêmes choubouhettes. Yakulun, Shafouzen reprend en disant, Yakulun, ma ja'alnahum shuraka alillah. Nous n'avons pas fait des associés d'Allah. Walakin ja'alnahum wasa'ita yukarribunana. Nous avons juste fait d'eux des intermédiaires qui nous rapprochent d'Allah. Wallah sammahu shirka. Cependant, Allah a nommé cela shirk. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum wa yakuluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ils adorent autre qu'Allah, dans ce qui ne peut ni leur nuire ni leur servir à quoi que ce soit. Et ils disent, cela sont nous intermédiaires auprès d'Allah. Dit, allez-vous informer Allah de ce qu'il ne sait pas dans les yeux, dans les cieux, dans la terre, qu'il soit élevé ou de ce qu'il lui associe. Fasamahu shirka. Donc Allah a appelé cela shirk. Ce que eux prétendent comme étant tawassut, le fait de prendre un intermédiaire, Allah a appelé cela shirk. Ma annahum yusammunahu tashaffu'an. Et ils appellent cela aussi intercession. Wa hadha wal waqi'. Et cela, et c'est une chose qui se produit. Cela est l'actualité. Inna kathiran mimman yad'una al-islam. Ou mimman yad'una al-islam. Wa ma yaf'alunahu ma'al qabr al-an. Et cela est très répandu auprès de ceux qui se prétendent de l'islam, comme ils le font avec ces tombes actuellement. يَتَّخِذُونَهَا وَصَائِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ. Ils les prennent comme intermédiaires entre eux et entre Allah. فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ خُفِيَتْ عَلَى كَثِيرٌ حَتَّى مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ. Donc ce sujet-là, vous voyez, a échappé à beaucoup de gens, et même à certains toulab al-ilm, à certains étudiants en sciences. وَهُنَاكَ عُلَمَاءُ يُدَافِعُونَ عَنْ هَؤُلَاءِ. Et il y a même des savants qui défendent ces gens-là, c'est-à-dire ceux qui prennent des intermédiaires. وَيَقُولُونَ هَذَا لَيْسَ بِشِرْكٍ. Ils disent que cela, ce n'est pas du shirk. Al-shirku ibaratul asnam. Ils prétendent que le shirk, c'est juste le fait d'adorer les idoles. Wa haoulaï ma ya'buduna asnaman. Et ils disent que cela n'adore pas des idoles. Ya subhanallah. Ibaratul asnam, nourum anwa shirk. Donc le shirk réfute en ces gens-là en disant, l'adoration des idoles est une catégorie parmi les catégories du shirk. الشرك هو عبادة غير الله سواء كان صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو وليا. Et le shirk, c'est le fait d'adorer autre que Allah. Et peu importe que cela soit une idole, ou un arbre, ou une pierre, ou une tombe, ou un wali. أو ملكا من الملائكة, ou un ange parmi les anges. أو وليا من الأولياء. أو صالحا من الصالحين, ou dépend d'un homme vertueux parmi les hommes vertueux. هذا هو الشرك وليس الشرك عبادة الأصنام فقط. Et tout cela c'est le shirk. Et le shirk ne se limite pas au simple fait d'adorer les idoles. Car comme on peut le constater entre les premiers et les nouveaux, ils ont la même chouette du fait qu'ils prennent ces choses-là comme intermédiaire entre eux et Allah. Non. Et de là, un tambih à faire. La réalité, c'est que ces gens sont tombés dans ces choses-là, c'est-à-dire tawassut, le fait de prendre des intermédiaires, pour des causes. Parmi ces causes, le fait qu'ils pensent que Allah, du fait qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de rang près d'Allah, ou qu'ils n'ont pas de bonnes œuvres. Donc, ces gens-là prennent comme intermédiaire les prophètes ou les gens pieux. Ils se rabaissent en se disant que moi, par exemple, je ne suis personne, je n'ai rien, donc pour que Allah m'écoute ou m'agré, je dois passer par un intermédiaire. Donc, quitte à prendre l'intermédiaire, je prends ou un prophète ou un homme vertueux. Donc ça, c'est l'une de leurs chouettes. Également, du fait qu'ils ont fait ressembler Allah aux créatures. C'est-à-dire, comme un roi, par exemple. C'est-à-dire, un roi qui n'accepte pas que l'on rentre, que tout le monde rentre chez lui afin de d'exposer ses requêtes. Et également, que le roi ne sait pas tout ce qui se passe dans son royaume et qui ne connaît pas la situation de celui qui subit une injustice. Est-ce qu'il est véridique? Est-ce que c'est un menteur? Et est-ce qu'il a besoin de quelqu'un qui le recommande, qui fasse une tesquia? Donc ils ont fait ressembler Allah à sa création en pensant que Allah ne sait pas tout. Et bien sûr, cela est une chose fausse. Allah subhanahu wa ta'ala, وَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Il dit, appelez-moi, invoquez-moi, je vous répondrai. À aucun moment, il a demandé de passer par qui que ce soit pour le demander. Et Allah, parmi ses sifat, السَّمَعْ السَّمِيعْ. Allah, il entend tout. وَاللَّهُ وَالْبَصِيرْ. Allah, il voit tout. De façon absolue. Non. Et également, parmi leurs choubouettes, du fait qu'ils ont une croyance que ces intermédiaires, taïeb, ces intermédiaires, ont une influence sur le cours des choses, sur le cours de la création. C'est-à-dire que s'ils rentrent auprès d'Allah, c'est comme si Allah serait obligé d'accepter d'eux. وَاللَّهُ بِاللَّهُ. Et cela, bien sûr, est faux. Complètement faux. Et pour cette fausse croyance, ces gens-là ont annulé leur islam. Maintenant, comme on l'a dit précédemment, il s'agit là d'un jugement général. Taïeb, général. Ne pas s'amuser à aller appliquer cela sur chaque personne de qui on voit faire ce genre d'action. Il faut conseiller, il faut faire ikomat al-hujja, et ensuite revenir au savant, évidemment. Non. Donc de là, inshallah, se termine cette brève explication du naqid al-thani, de la deuxième annulation qui est l'ittikhaz al-wasa'it, le fait de prendre des intermédiaires auprès d'Allah. Nous allons, inshallah, également prendre al-naqid al-thalith, la troisième annulation, annulation de l'islam. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من لم يكافر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Donc il dit, celui qui ne rend pas mécréant le mushrik ou qui doute de sa mécréance ou qui rend valide sa doctrine ou sa croyance, celui-là a mécru. Naam. Donc comme nous avons dit, man lam yukaffir al-mushrikin, celui qui ne rend pas mécréant l'associateur, il s'agit là de qui? Premièrement, du mushrik asli, comme nous l'avons dit précédemment, de l'associateur d'origine, comme le chrétien, comme le juif, comme le bouddhiste, comme l'athée, comme le pur communiste, et ainsi de suite. Celui qui dit celui-là, c'est pas un kafir, lui, cette parole-là devient kafir. Parce que quoi? En faisant cela, il dément Allah et il dément son messager. Allah a divisé, ou Allah a éclairci, qu'est-ce qu'un muslim et qu'est-ce qu'un kafir. Et lui, il vient et dit non, celui-là, c'est pas un kafir. Donc c'est comme s'il disait qu'Allah s'est trompé ou a, dans le Coran, n'a pas dit la vérité. Wa'yazu billah. Et également, il s'agit du kafir sur lequel il y a unanimité sur le kufr, sur lequel il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute sur sa mécréance. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ الْآيَةَ. Allah il dit que ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les mouchriquines. Donc Allah les a rendus mécréants. Donc il n'est pas permis de dire que ces gens-là sont des musulmans ou des croyants. Sûrement pas. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Et certes, on mécru ceux qui ont dit que Allah, c'est le Messie ibn Maryam, c'est-à-dire Isa. Et Allah dit, لَقَدْ كَفَرَ. On certes mécru. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Et certes, on mécru ceux qui disent que Allah est le troisième des trois, qui est la doctrine des chrétiens, la Trinité. Donc celui qui dit cette parole-là est un mécréant, un kafir. On n'en a pas à douter sur lui. Et celui qui vient, qui dit que c'est un croyant, il est égal à nous, et qu'il aurait qu'à entrer au Jannah ou je ne sais quoi comme parole, cette parole-là le fait sortir de l'islam, Et cela est égal pour le Majus, le Maj, ceux qui adorent le feu, et tous les autres mouchriquins. Naam. Et également, certains musulmans sont tombés dans du kufr wadih jali, thabit. Et ce takfir est venu de ulama, des gens qui étaient de l'islam, et ont commis des nawaqid de l'islam, ou qui sont venus du zandaka, des paroles de munafiqin, ou des croyances erronées, et au qimat al-hujja alayhim, que l'argument leur a été établi, et ont persévéré dans leurs croyances erronées, ceux-là ont été rendus mécréants par les savants de façon claire. Cela aussi, il n'est pas permis de les défendre, et de dire qu'ils partent des croyants. Ils rentrent dans le même cas. Et on parle de ceux sur qui les savants ont été tous mis d'accord sur leur mécréance. Pas un ou deux. Par exemple, titre d'exemple, Cheikh Mubi Rahimallah, en parlant de Al-Qardawi, il dit, Ana, lo kafiruhu, walakin la unkir ala man kafarahu. Il dit, moi je ne l'ai pas rendu mécréant, mais je ne blâme pas ceux qui l'ont rendu mécréant. Donc de là, si quelqu'un dit, Qardawi c'est un kafir, tel est le cas de notre chère, Shayaha Hafizahullah, qui dit que c'est un munafiq, et quelqu'un d'autre vient et dit, non, c'est un muslim, celui qui dit que c'est un muslim, ne sort pas de l'islam pour autant. Ce jugement ne s'applique pas sur lui. Car Qardawi, malgré que certains l'aient jugé de kafir, ce n'est pas une chose qui est claire pour tout le monde. Donc, ce jugement ne s'applique pas sur ce cas-là. Nous, on parle de cas clairs et flagrants. Là, je n'ai pas d'exemple en tête, mais Yarni, ne pas aller dire que celui qui dit que Qardawi c'est un muslim, le rendre mécréant, ça, c'est pas bon. À éviter. Donc, Shia Fouzen, Hafizallah a dit, en commentant ces paroles, وهذه المسألة خطيرة جدا. Il s'agit là d'un point extrêmement dangereux. يقع فيها كثير من المنتسبين للإسلام. Et c'est un point dans lequel tombent beaucoup de ceux qui s'apparentent à l'islam. من لا نكافر المشركين. Ceux qui ne rendent pas mécréants le mushrik. يقول أنا والحمد لله ما عندي شرك. Il dit moi, par la grâce d'Allah, je n'ai pas de shirk. ولا أشركت بالله. Et je n'ai rien associé à Allah. ولكن الناس لو كفروهم. Cependant, les gens, moi, je ne les rends pas mécréants. Nakullahu, celui-là on lui dit, Anta ma'arifta din, tu n'as pas connu la religion. Yajib an tukafira man kafarahullah, et il t'est rendu obligatoire de rendre mécréant celui qui Allah a rendu mécréant. Wa man ashraka billah, et celui qui est associé à Allah. Wa tatabbarahu minhu kama tabarra Ibrahimu min abihi wa qawmihi. Et que tu te désavoues de lui, tout comme l'a fait Ibrahim alayhi salam avec son père et son peuple. Lorsqu'il a dit, إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. Nous sommes certes innocents de vous et de ce que vous adorez, hormis celui qui m'a créé, car certes il va me guider. Donc après ça, le Shir reprend en commentant la parole de Shir Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il dit أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ. Qui a rendu valide leur doctrine, leur croyance, c'est-à-dire celle du kafir. وَهَذِهِ أَشَدْ. Et cela est pire encore. إِذَا صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ. S'ils rendent véridique leur doctrine. أَوْ قَالَ فِي الَّذِي يَعْمَلُونَهُ نَظَرْ هَذَا إِنَّمَا وَاتِّخَاذُ وَصَائِلٍ. Et s'ils disent à propos de ceux qui font cela, c'est-à-dire qui prennent des kuffars, en disant que ce que ces gens-là font, c'est juste le fait de prendre des moyens. Un moyen, c'est-à-dire ta religion c'est un moyen, ma religion est un moyen, et lui sa doctrine est un moyen. Et nous avons tous le même but, nous approcher d'Allah. Donc celui qui dit ça, cette parole est encore plus dangereuse que celui qui n'aura pas mécréant le mécréant. Car lui carrément, il se peut que des gens disent, le chrétien, sa religion est batil, elle est fausse, cependant, c'est reste un croyant. Mais lui carrément, il va dire, le christianisme c'est une religion qui est valide, seulement lui il a choisi la religion, le christianisme, lui a choisi le judaïsme, et moi j'ai choisi l'islam. Mais nous tous, nous sommes des croyants. Donc cette parole-là est pire encore, car lui carrément, il rend valide cette religion. Et alors ce prénom est cool, inna dina indallah l'islam. La religion pour Allah, c'est l'islam. Naam. Donc le chef reprend disant, Aw yakul, aw di, haoulay juhalun waqa'u fi hadha al-amri an jahlin wa yudafi anhum. Donc il dit, ces gens-là sont des ignorants. Et ils sont tombés dans cette chose, c'est-à-dire le fait de ne pas en mécréant le mécréant, ou de rendre valide leur doctrine, par ignorance. Et il les défend. Fahadha ashad kufran minhum. Et celui-là sera considéré comme étant encore d'une mécréance pire que la leur. لِنَّهُ صَحَحَ الْكُفْرِ. Car lui aura carrément rendu véridique le kufr. Le shirk. Il aura rendu véridique le shirk. أَوْ شَكَّ. Ou aura douté. فَنَقُولُ لَهُ. Donc on lui dit كَوْنُكَ مُسْلِمًا وَتَابِيًا الرَّسُولِ. Donc le fait que tu sois musulman et que tu suives le messager. وَالرَّسُولُ جَاءَ بِتَكْفِيرِ الْمُشْرِكِينَ. وقتالهم واستباحة أموالهم ودمائهم. Donc toi tu suis le messager, alors que lui il est venu comment? En rendant mécréants les mouchtekines, et en les combattant, et en rendant leur sang licite, ainsi que leurs biens. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس ليقولوا لا إله إلا الله. Et j'étais ordonné de combattre les gens afin qu'ils disent la ilaha illallah. Muttafaqun alayhi par Abi Hurayra. Et également il dit bu'istu bis-sayfi hatta yu'bada Allah. Et il dit j'étais envoyé avec l'épée jusqu'à ce que Allah soit adoré, c'est-à-dire pour combattre, et cela fait partie du djihad. Cela fait partie du djihad. Voilà ce qu'on a yakoul. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Et combattez-le afin que la fitna cesse. Wal fitna yani ash-shirk. Et là, le fond voulu par la fitna, c'est le shirk. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَيَكُونَ دِينَكُ اللُّهُ لِلَّهِ. Et que la religion soit entièrement à Allah. De là s'arrête le charh, l'explication de ces deux narqidan, tayyib, qui sont de ces deux annulations, qui sont la première, le fait de prendre al-wasa'it, une wasita, et également le fait de ne pas rendre mécréant le mécréant pur. فَنَكْتَفِي بِهَادَ وَإِلَّهُنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.